aussi bien. Archimo. Archiradio. Archidou. Archicool. La radio du festival Archipel. Archichouette. En direct. De 10h à midi. Archinul. Sur Archipel. Archifort. Archigros.org. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le salon d'écoute du Festival Archipel, en compagnie de l'Acousmonium de la Meg et de Thierry Simoneau qui l'anime régulièrement et notamment ici. Donc nous sommes dans ces séances de partage d'écoute dont l'idée est d'inviter des artistes du festival à présenter des musiques. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir et honneur d'avoir David Toop avec nous. Très, très rapidement, David est un artiste, compositeur, performeur, improvisateur, mais aussi un essayiste, écrivain, auteur, qui a écrit beaucoup d'articles et des livres qui sont souvent des références pour toute personne qui s'intéresse au son et à la musique. Donc je vais le laisser introduire ce moment de partage. Welcome, David. It's up to you. Thank you. The music I'm going to play is music that has been important to my musical development and my ideas and also the way I live my life. It's hard to describe what this music actually is. People use words like traditional or world music, and I dislike both of these terms. Basically, it's global music that in different ways has deep significance in people's lives. And I'm not going to say much other than that, other than to propose a question of why music is so important, why it's a human constant, and the question of what role it played in evolutionary terms for humans and non-humans. And I make three suggestions that music can be thought of as, on the one hand, an experiment in human relations. It can be thought of as an experiment in ecological relations, in other words, relationships of intermingled human and non-human entities. And thirdly, an experiment in biological relations, or an experiment in the composition and potentialities of bodies and how they exist in space. So with that, I'll begin. Thank you.

Thank you. Mama, Oh, yeah, you try it. Thank you. Thank you. music from Benin, Ainu music from northern Japan, initiation ceremonies from Papua New Guinea, music from Congo, Arnhem Land in Australia, Hill Tribe music from Thailand and Laos, music from Korea, Dan music from the Ivory Coast, Kuna music from Colombia, music from Gabon, Chad, Umizatori ceremony from Nara in Japan, and music from Java. Thank you for listening. Yeah. Rendez-vous donc ce soir avec le projet World Music. On va retrouver un ou deux sons comme ça qui étaient dans cette liste, dans cette playlist. Archi Radio, la radio du festival Archipel. En direct, de 10h à midi, sur archipel.org.